je ferme mes yeux verts, et d'un seul coup, je me retrouve au milieu d'un grand charnier de branches et de feuilles. Des araignées me grimpent dessus, d'immenses araignées immondes, avec au moins 45 pattes de chaque côté de leur corps poilu. Je crois mourir, je veux vomir, je crois vomir, et je vomis. Je dépose une gerbe sans fin sur ces migales qui pompent le sang de mon sexe déjà mou. Je mange des huîtres, je stick des billes, je stick des huîtres, je mange des billes, je stick des billes, je mange des huîtres, je mange des billes, je stick des huîtres, je mange des huîtres, je stick des billes, je stick des huîtres, je mange des billes, je stick des billes, je mange des huîtres, je mange des billes, je stick des huîtres. Alors je me retourne sur le ventre, mon cerveau ne commande plus mes membres ni mes mouvements. Je n'arrive plus à bouger mes jambes, j'entends un bourdonnement à mon oreille. Et là, Gérard Depardieu qui enfonce sa langue, qui avale et aspire toute ma cire humaine. Gérard Depardieu, non, qui sort son sexe et commence à pleurer des larmes de sperme et m'inonde de ses larmes. Et je n'arrive plus à bouger, et toujours ces araignées, non, mon Dieu. Je stick des billes, je stick des huîtres, je mange des billes, je stick des billes, je mange des huîtres, je mange des billes, je stick des huîtres, je mange des huîtres, je stick des billes, je stick des huîtres, je mange des billes, je stick des billes, je mange des huîtres, je mange des billes, je stick des huîtres.